Giovanni Verga, marionnette parlante. Nouvelle. On voit représenté ici comment le Meschino trouve dans la caverne le méchant Makko déguisé en serpent et lui livre combat devant la porte de la fée. Ensuite, la farce avec Polichinelle. Cette annonce était accompagnée d'une peinture. On y voyait le Meschino armé de pied en cap et livrant bataille à un dragon vert, de la gueule duquel s'échappait en lettres rouges « Gênons Makko » et je vais faisant le mal depuis mon enfance. Et tout cela était l'œuvre de Don Candeloro, qui se chargeait également de peindre les décors, de battre la grosse caisse, d'habiller les marionnettes et de les faire parler. Il était assisté dans ce dernier soin par sa femme et ses 5 fils. Il y avait même des représentations de gala, avec 20 personnages et plus sur la scène, combats à l'arme blanche, musique et feu de Bengale, ce qui ne manquait pas d'attirer grande foule. J'ai parlé de ses 5 fils, mais l'un d'eux, à vrai dire, était fils on ne savait de qui. Don Candeloro l'avait ramassé sur la voie publique par charité et aussi pour avoir quelqu'un qui l'aidât à laver la vaisselle et qui pût sonner de la trompe et faire le boniment, costumé en paillasse, à l'entrée du théâtre. « Martino, faites voir vos talents et remerciez les seigneuries !» Et Martino se jetait à 4 pattes, faisait le gros dos, et braillait comme un âne. Il était le bouffon de la compagnie, taquinait les dames en toute manière et passait volontiers son nez entre les planches de l'arrière-scène pendant qu'on se costumait pour la farce. Mais avec la fille de son patron, surtout, il inventait 100 plaisanteries qui la faisaient rire et mettait une petite flamme dans ses yeux fripons. « Hé, Violante, veux-tu que nous représentions au vif la scène entre Renaud et Armide ?» Un jour, Don Candeloro, l'ayant ainsi surpris à faire avec sa fille une de ses répétitions générales supplémentaires, leur administra à tous deux une salve de coups de pied et de coups de poing qui aurait dû suffire pour leur faire à jamais passer l'envie de recommencer. « Ah, brigand! Ah, traître! Je vous apprendrai !» Et longtemps, la Violante porta marqué sur son dos le souvenir de cette leçon. Mais elle avait pris goût aux caresses de Martino, et toujours elle allait le cherchant. Elle s'apostait derrière les décors enroulés, derrière la caisse aux marionnettes, l'attendait là, tandis qu'il allumait les quinquets pour la représentation du soir, ou soufflait sous la marmite posée sur 2 pierres dans la petite cour. Et elle soupirait, se plaignant de sa mauvaise étoile, de la barbarie de son père. « Sois tranquille, lui disait alors Martino, sois tranquille, il me le paiera. » Lui-même était d'ailleurs devenu prudent et réservé, l'oreille tendue et les yeux aux aguets avant d'avancer la main vers la jeune fille. Elle, cependant, ne l'en aimait que plus fort. Elle lui portait en secret les meilleures bouchées. Elle cachait pour lui le vin qui restait au fond des bouteilles. Et, pour lui dire les mots les plus simples, elle prenait une figure comme si elle avait l'âme dans les dents, avec la tête penchée sur l'épaule et les yeux en coulisses. C'est avec l'accent de la Clorinde ou de la Rosamonde qu'elle lui disait « Il faut aller chercher de l'huile, Martino !» Et quand elle travaillait près de lui derrière la scène, ses marionnettes à la main, Elle lui lançait au visage toutes les paroles enflammées des rôles, avec des yeux noirs de passion et des lèvres toutes tremblantes qui semblaient vouloir le manger. « Oh ciel, qui vois-je devant moi? Mon seigneur, mon amour !»« Allons, Vaurienne, travaille, travaille !» mormotait Don Candeloro, lui allongeant un coup du pied de sa place quand il avait la chance de l'atteindre. « Aussi vrai qu'il y a un dieu, je t'ai dit qu'il me le paierait !» soufflait alors Martino entre ses dents, après quoi il reprenait de sa grosse voix « Oui, princesse adorée !» Et vraiment, il lui fit payer, un jour que son patron était allé en avant pour chercher un emplacement et que la compagnie suivait, avec tous les bagages, sur le grand chariot. Martino et la Violante, sous prétexte de prendre un raccourci, s'éloignèrent du reste de la bande. Et quand ils la rejoignirent au haut de la colline, Martino avait une mine triomphante, comme s'il avait gagné un terne à la loterie. Et la Violante, suspendue à son bras, prenait des airs de princesse. Bientôt, Don Candeloro ne sut plus comment venir à bout de Martino. Le gaillard était devenu insolent et paresseux. À tout moment, il menaçait de planter là baraque et marionnette pour aller chercher fortune de son côté. « Maintenant que je t'ai enseigné le métier, que j'ai fait de toi un homme honorable, ribaud, filou !» Violante pleurait, suppliait son amant de ne pas l'abandonner. « Que veux-tu ? » lui disait Martino. « J'en ai assez de travailler comme un âne pour les beaux yeux de je ne sais qui. On ne me laisse pas respirer un moment. Impossible de nous trouver ensemble. » Et en effet, en 3 mois, c'est à peine s'il s'était vu seul 4 fois, la nuit, un instant, avec une peur de tous les diables. Un soir, que le papa et la maman avaient bien mangé et encore mieux bu, la jeune fille vint trouver son Martino. Elle était en robe de nuit. On l'aurait prise pour la fée blanche et elle pleurait comme une fontaine. « Qu'allons-nous faire, mon Dieu? Et toi qui peux dormir pendant ce temps? Hey, que veux-tu donc faire ? » demanda-t-il en se frottant les yeux. « Je ne puis plus me cacher davantage. Ma mère ne me quitte pas des yeux. Il faut tout avouer. Toi, qui as plus de courage ? Moi ? Pour que ton père me donne le reste de la volée de l'autre jour ? Merci bien. J'aime mieux enfiler la porte et m'en aller. Si tu veux venir avec moi ? » L'idée lui parut bonne, et il se complut à la caresser. « Je sais faire le saut périlleux, l'homme sans os, l'écrevisse parlante. Toi, tu es une belle fille, oui, c'est sûr, je te le dis comme c'est. Vêtue d'un maillot, tu recueillerais les sous dans un plateau. Le public ne se fera pas tirer l'oreille pour mettre la main à la poche. Nous irons par le monde, nous nous divertirons. Et ce qui se gagnera, nous le mangerons à nous deux. Cela te va-t-il ? » Jamais, au grand jamais, Don Candeloro ne se serait attendu à un trait aussi noir. Au beau milieu de la saison, quand le public commençait à affluer, quand depuis 8 jours on était installé dans le village et que les sous pleuvaient et qu'on soupait tous les soirs, c'est alors que Martino et la Violante exécutèrent leur projet, un soir où le public était venu en masse pour la continuation des exploits du Meschino à la recherche de la fée Alcida, un soir où l'on prévoyait plus de 20 livres de recettes. La femme de Don Candeloro, qui depuis quelque temps avait des soupçons, surprit sa fille ce soir-là, debout, à côté de Martino, qui s'occupait à mettre dans un sac toute sa garde-robe. Prise sur le fait, Violante se jeta aux pieds de sa mère en pleurant, comme la fille du roi de Porquinos quand elle fait à son père l'aveu de sa faute. « Ah, scélérate ! » criait la mère. « Qu'as-tu fait ? Ton père va vous en donner à tous les deux !» Don Candeloro survint sur ces entrefaites, et grande fut sa colère quand il apprit ce qui se passait. Sa femme, cependant, appelait au secours. Violante se pressait contre son amant pour le défendre au prix de ses jours. Martino s'arc-boutait à la toile de la tente, un canif ouvert à la main. Et tous les frères de Violante hurlaient en chœur. Une scène au naturel et que tout le monde aurait voulu voir, même en payant l'entrée. Mais Don Candeloro, même en ce moment, n'oublia point qui il était, ni ce qu'il avait à faire. « Silence tous ! » s'écria-t-il avec sa voix solennelle des grandes représentations. « Nous appartenons maintenant au public, qui commence à entrer dans le théâtre. Toi, Grazia, va à la porte, pour empêcher qu'il n'entre sans payer. Nous réglerons nos comptes plus tard, en famille. » Figurez-vous la pauvre mère, obligée de sourire à la foule en encaissant les deux sous du billet. Puis vinrent les premières scènes, où elle dut aider son mari, qui, ayant à faire marcher ses marionnettes, rageait de ne pouvoir aller saisir au collet l'infâme couple, sa fille et Martino, si en retard pour leur rôle. « Que diable font-ils ? Voici déjà l'entrée d'Alcida. Par le vrai Dieu, ils vont me faire rater la meilleure scène !» Cependant, le public ne savait rien de tout cela et attendait toujours l'entrée de la fée Alcida qui devait séduire Meschino par la bouche de Violante. Et le sudit Meschino restait les bras en l'air, se balançant sur la pointe des pieds et considérant la foule de ses yeux de verre comme pour demander ce qui allait arriver. Il arriva que, derrière la scène, un tapage infernal se produisit. On entendit courir et jurer, et à un certain moment, la scène elle-même, qui figurait un merveilleux portique tout historié de colonnes, se mit à trembler comme secoué par un tremblement de terre. Meschino leva encore les bras au ciel, fit un dernier saut et disparut brusquement avec son manteau rouge qui se gonflait derrière lui. « Trahison ! Infâme sarrasin ! Vous me payerez cela de votre sang !» criait Don Candeloro de sa voix naturelle. Le public se mit à faire du tapage. Quelques drôles, ayant remarqué au premier rang de belles jeunes filles, se mirent en devoir d'éteindre les quinquets. « Halte là ! Pas d'inconvénience !» criaient d'autres. Tout à coup, un silence se fit. Meschino reparut sur la scène, se plia en deux pour saluer les spectateurs, et, de l'autre côté, se montra aussitôt la fée Alcida, d'une telle beauté que sa face brillait comme un soleil. C'est du moins ce qu'affirmait la voix de Don Candeloro, qui, au même moment, enflammait un peu de magnésium pour illuminer l'armure du Meschino et le manteau de la fée, tout pailleté d'or. « Bravo, bis !» clamaient les compères, qui ne manquaient pas dans l'assistance. Vous auriez entendu voler une mouche. Meschino restait décidément insensible à la séduction de la fée, qui s'obstinait à réchauffer en lui l'ardente flamme d'amour. Le vaillant chevalier aurait d'ailleurs certainement succombé si Dieu, dans sa grâce, ne lui avait fait garder en mémoire l'avertissement des trois saints ermites. Mais bientôt, les habitués du théâtre s'aperçurent que la fée Alcida n'avait pas sa voix ordinaire. et que les gestes qu'elle faisait de ci, de là, au hasard, n'avaient rien de naturel. Sûrement, quelque chose de grave devait s'être passé derrière la scène. Et ce furent d'abord des observations et des murmures, puis vinrent les mauvaises paroles. Et enfin, lorsque, au lieu de dragons et autres prodiges qui devaient annoncer la fin du monde, Don Candeloro fit partir une poignée de pois fulminants et agita l'une contre l'autre deux boîtes de fer blanc pour imiter le fracas du tonnerre, l'enfer se déchaîna dans la salle. Hurlements, sifflets, pipes cassées pleuvant sur la scène. « Respectable public !» vint dire la femme de Don Candeloro, plus morte que vive. « Maintenant va venir une belle farce, toute pour rire et absolument nouvelle. Daignez la prendre en considération. » Pas de farce. La foule était venue dès l'Ave Maria pour se repaître de la grande scène de l'enchantement. C'est pour cela qu'elle avait donné son argent. Quelques-uns des assistants se jetèrent sur la caisse. Ce fut un véritable pillage. Les acteurs grimpèrent sur la scène, à demi déguisés déjà pour la farce. Et pendant ce temps, Don Candeloro, costumé en polichinelle, courait sur la route du côté de la campagne, dans l'obscurité, jurant de tuer les deux fugitifs s'il parvenait à s'emparer d'eux. Martino et la Violante couraient toujours, affolés de peur. Aussitôt qu'ils entendaient sur la route le bruit d'une voiture, Violante se cachait derrière un buisson, car elle était en soutane blanche, s'étant échappée comme elle avait pu, tandis qu'elle se costumait pour la farce. Martino, plus hardi et plus rusé, feignait d'aller tranquillement son chemin ou de se baisser pour nouer ses souliers. Puis, quand ils furent bien loin, ils s'assirent derrière un mur et mangèrent le plat que Martino, amoureux comme il l'était, avait pourtant pensé à mettre dans son sac. Violante, plus délicate et plus sensible, s'arrêtait de manger pour considérer les étoiles. « Et où va-t-on maintenant ? » demanda-t-elle timidement. « Demain, nous le saurons, » répondit son ami la bouche pleine. Le jour commençait à poindre. Violante n'avait rien emporté d'autre sur sa soutane qu'un petit châle tout usé. Elle tremblait de froid. « Tu as peur, peut-être ? » lui demanda Martino. « Non, non, je ne crains rien près de toi, mon trésor. » Et lui vinrent alors à l'esprit les paroles d'amour qu'elle avait apprises par cœur pour ses marionnettes quand Martino lui répondait avec sa grosse voix langoureuse. Elle pensa aux princesses et aux demoiselles qui se faisaient enlever par leurs amants sur des chevaux ailés. Un charretier passait sur la route. Martino l'arrêta, lui demanda à monter dans sa charrette avec sa compagne, en payant. « As-tu de l'argent ? » demanda Violante à mi-voix. « Oui, tiens-toi tranquille. » Pour se justifier, il se plaignit des parents de la jeune fille qui le faisait travailler sans le payer et s'enrichissait à ses dépens. « Enfin ! concluait-il. « J'ai pris ce qui me revenait. Il y a si longtemps que ton père ne m'a pas donné une baïoque. » Du coup, Violante perdit l'appétit. Elle se sentait sur l'estomac la peur de son père et aussi le poids de cette action de Martino mettant la main sur la caisse. Lui, au contraire, n'avait jamais été plus gaillard. Il caressait la jeune fille et faisait sonner les sous dans sa poche. À la station de chemin de fer la plus voisine, il la fit monter en wagon avec des manières de grand seigneur. « Vois-tu ?» lui dit-il en payant les 2 billets de 3e classe. « Vois-tu comme je fais les choses ?» Au début, tout alla assez bien. Violante était un peu gauche, un peu lourde. Mais lorsqu'elle tournait en rond, se tenant sur un pied, ou qu'elle grimpait sur le dos de Martino, elle était si charmante que la foule accourait, et volontiers, en effet, mettait la main à la poche. Martino fermait l'œil lorsqu'un des assistants cajolait la jeune femme, pendant qu'elle faisait le tour du public, son plateau à la main. « Patience, c'est le métier qui vous laisse là. Aujourd'hui ici, demain à des lieux plus loin. » Et en attendant, tous les sous étaient bons à prendre. On mangeait et buvait allègrement. Et tous les soirs, Martino était ivre en se mettant au lit. Mais un beau jour, le diable s'en mêla. Violante devenait sans cesse plus fière des applaudissements du public. Sans cesse, elle relevait davantage sa jupe et risquait davantage de se rompre le cou à faire le saut périlleux. Martino s'aperçut un jour qu'un jeune homme courait derrière elle, la suivant d'un pays à l'autre. Tant d'occasions s'étaient offertes à la belle fille, tant d'admirateurs avaient essayé de lui faire la cour, des militaires, des étudiants, des seigneurs qui auraient mis des trésors à ses pieds. Elle les avait tous dédaignés, et voilà qu'elle allait dénicher ce misérable qui portait toute sa boutique à son cou, car c'était un colporteur qui allait vendant de la mercerie. « Attends !» murmurait intérieurement Martino. « Attends, le moment approche où tu vas bien rire. » Quelque temps encore, il se tint tranquille, ayant besoin de la Violante pour l'aider à ramasser des sous sur les places. Puis, un beau jour, comme le colporteur étendait les bras sous la table vers la jeune femme dans une auberge, il leur fit à tous deux une scène enragée, tirant son couteau, menaçant les amis qui s'interposaient pour mettre la paix entre eux. « Quelle paix ! Avec cette canaille ! Je veux leur manger le cœur à tous deux !» Après quoi, il prit sa sacoche et s'en alla en saluant la compagnie. Le pauvre colporteur, se voyant sur les bras cette jeune femme plus morte que vive, se mit d'abord à protester de son innocence. Puis il détala à son tour la même nuit. Ainsi la malheureuse resta seule, sans amis, sans ressources, au milieu de la rue. Il arriva ensuite que Don Candeloro, passant dans le pays, recueillit de nouveau dans son troupeau la pauvre brebis. Sa miséricorde paternelle était grande. Et puis la jeune femme était d'un secours précieux au théâtre des marionnettes parlantes, d'autant plus que la mère commençait à se ressentir des effets de l'âge. Violante lavait, faisait la cuisine, assistait ses frères aux répétitions, tandis que le père se reposait au café. Les marionnettes, entre ses mains, parlaient une douce voix. Lorsqu'elle s'asseyait à la porte pour recevoir les sous, en maillot couleur chair, la foule entrait au théâtre, rien que pour passer auprès d'elle. Elle était la fortune de la troupe, telle qu'on a coutume de la dépeindre, le pied sur une roue, et versant autour d'elle une corne d'abondance. La mère nature m'a fait ainsi, répétait Don Candeloro dans le cercle de ses amis, qui se renouvelaient de village en village et de café en café. Mon cœur est large comme la mer, et je suis toujours prête à ouvrir les bras. Il était devenu philosophe avec les années. Il avait appris à connaître les caprices du sort et l'ingratitude des hommes. Désormais, il prenait le temps comme il venait et les amis où il les trouvait. Il se contentait de porter une corne de corail attachée à sa chaîne de montre et de garder un fer à cheval, un fer du pied gauche, cloué sur les planches de la baraque. Elle voyait en effet des hauts et des bas cette baraque. Tout un temps, lorsque les fils dans la force de l'âge prenaient part aux pantomimes, les marionnettes parlantes avaient compté parmi les premiers théâtres du genre. Puis les fils s'étaient dispersés çà et là, en quête d'une meilleure fortune, ou derrière les jupes de quelques filles de la même partie. Et Don Candeloro, pour se tirer d'affaire, fut un jour forcé de reprendre Martino, qu'il rencontra à Giaratana, pauvre comme Job, et réduit à tout pour avoir du pain. « Je suis né sans fiel dans le corps, comme les colombes, » dit alors Don Candeloro. « Les grandes âmes se reconnaissent au pardon des offenses. Si tu me promets de ne pas t'en aller de nouveau, je te reprends dans ma compagnie à 15 livres par mois, nourriture et logement compris. »« Entendu, » répliqua Martino qui mourait de faim. « J'accepte par amour pour la Violante, qui, un jour ou l'autre, doit être ma femme et légitime épouse. Mais entendez bien, Seigneur, que je ne suis plus un gamin. Et si par plaisanterie, vous leviez la main sur moi, ou si vous me faisiez souffrir de la faim, nous nous verrions pour la dernière fois, aussi vrai qu'il y a un Dieu. »